Bonjour à toutes et à tous, vous êtes les bienvenus sur Radio Guémozo 107 FM, vous nous écoutez peut-être en streaming sur www.radioguémozo.eu. Bienvenue à tous et aujourd'hui avec nous le directeur du festival des Nancyphonies, monsieur Hugues Leclerc. Hugues, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien, et vous ? Eh ben, ça va très bien, merci beaucoup. Moi, j'aime le soleil, alors je ne vais pas me plaindre, comme tout voilà. Le monde. Voilà, on est servi pour le soleil, il n'y a pas de problème. Alors, le festival Nancyphonie, qui, je cite, rayonne chaque été au cœur du Grand Est, c'est la 17e édition cette année de ce festival. Alors, par quelle initiative déjà est-il né, ce festival ? Bien, par la mienne. D'accord. Je le dis sans aucune fausse modestie. Donc le festival en fait existe depuis 29 ans. D'accord. Au départ, il s'appelait Rencontre musicale en Lorraine. D'accord. Et puis petit à petit, il a pris de l'ampleur et nous avons décidé de l'appeler Nancyphonie. J'ai eu cette idée de nom en 2003. D'accord. Donc on fêtera l'an prochain en fait la 30e édition. Ah oui. Du festival. Bon, qui n'avait pas la dimension ni l'envergure de l'édition de cette année, hein. Ça c'est tout à fait clair. Oui. Et puis c'était adossé aussi à des académies internationales de musique, donc qui regroupaient des élèves avec des professeurs de très haut niveau. D'accord. Et tout ça continue, même si les académies et festivals ont pris une forme d'autonomie mutuelle. D'accord, ok. Dans quel but est-il né ce festival ? Qu'est-ce qui a motivé tout ça ? À l'époque, si je dois parler un peu de ma vie privée, moi j'étais au lycée Louis-Grand à Paris, j'étais parti avec classe prépa et puis j'ai décidé en fait j'ai eu une crise de vocation, je me suis dit c'est de faire la musique professionnellement. D'accord. Donc j'ai tout plaqué, les grandes écoles, tout ça, polytechnique et autres, pour présenter le conservatoire. Et donc j'avais moi adoré les stages d'été que j'avais fait avec mes professeurs. Oui. Et notamment Catherine Collard, qui était merveilleuse pianiste, merveilleuse prof. Oui. Et quand j'ai pris le parti de me lancer dans cette carrière-là, j'étais tout jeune, j'avais 20 ans, j'ai voulu reproduire ça pour mes élèves, et puis bon, retrouver aussi personnellement cette ambiance, mais cette fois-ci en tant que prof. D'accord. Donc on est parti comme ça avec ma petite copine de l'époque, qui était violoniste. Et on a eu quelques élèves et on était dans le fond des Ardennes, okay. Du côté de l'endroit où Louis XVI s'est fait attraper là, d'accord. Dans l'Argonne, et dans une très belle abbaye, vraiment très isolée. Et on avait, je sais plus, la première année, on a dû avoir 7 élèves, la gardienne qui faisait la à manger, on avait amené des pianos, je sais pas comment. Enfin bon, c'était très sympathique et puis ben, petit à petit ça a pris de l'ampleur. On avait déjà cette année-là fait 2 concerts, et puis après on a migré très vite en Lorraine, puisque moi j'ai eu un poste au conservatoire de Nancy, et les choses se sont faites comme ça naturellement, et là ça a pris beaucoup d'ampleur, on a eu plusieurs dizaines de stagiaires, après plusieurs centaines de stagiaires, oui. Et petit à petit, venant de 30 pays, et le festival s'est développé, et à un moment donné j'ai senti qu'il fallait que je donne aussi... une autre envergure au festival, parce que les professeurs revenaient d'une année à l'autre, et à force de les faire jouer, ça faisait un peu toujours le même programme. Donc j'ai commencé à ajouter des artistes extérieurs, donc qui n'intervenaient pas dans le... Et donc là, on était déjà dans la 10e année, donc il y a 20 ans à peu près. D'accord. Et petit à petit, le festival a pris vraiment son indépendance, et donc on est arrivé au Nancyphonie en 2003. Voilà un peu comment ça s'est passé. Ah, c'est super. Alors, j'imagine que vous êtes aux anges cette année, car vous êtes donc vous-même pianiste. Et cette année, eh bien, le piano sera roi, en tout cas est roi, parce que ces Nancyphonies ont déjà commencé depuis le 29 juin, où a eu lieu l'inauguration. Il se déroulera jusqu'au 1er septembre. Alors, il y a des présences exceptionnelles cette année sur les Nancyphonies. Quelles sont-elles ? Alors, déjà, on a attaqué avec Tom Koopman, oui. Alors, qui n'est pas directement pianiste, qui est claviériste, puisqu'il joue du clavecin, de l'orgue, qui a fait un très beau concert lundi dernier. Et puis on a donc ce samedi Grigory Sokolov, qui est dans le top 10 des pianistes mondiaux, mmh. Grand Prix Tchaïkovski, qui a fait une carrière absolument éblouissante, qui a une personnalité très paradoxale, extrêmement perfectionniste, un côté presque un peu autiste dans son rapport aux autres, mais alors quand il est sur scène, il est complètement survolté et pénétré par l'art et la musique. Oui. Et donc c'est une chance d'avoir cet artiste pour les Nancyphonies. salle Poirel à 17h samedi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'avoir depuis des années. Ah oui. C'est pas évident. Et puis on aura aussi l'immense arcade du Volodos, qui est plus jeune que Sokolov, qui est à peu près de ma génération, hein. On est à 2-3 ans d'écart. Et Arkady, c'est un monstre du piano. C'est quelqu'un qui a été connu par sa virtuosité absolument transcendantale. On l'a comparé, même trouvé supérieur à Horowitz et aux autres. Son premier disque était absolument. On se demandait s'il n'avait pas 8 mains à la place de 2. Ah oui. Et puis, depuis une dizaine d'années, il a complètement changé d'optique en termes de répertoire et tout ça. Et là, il est dans une phase d'approfondissement de son jeu absolument incroyable. Je l'ai entendu il y a 1 mois et demi au Théâtre des Champs-Élysées, c'était absolument fabuleux. Oui. Donc il fait sonner le piano comme personne, il a contrôle de l'instrument, comme si c'était vraiment la continuation de son propre corps. Et ça va être un moment formidable parce qu'il a choisi des choses à la fois très belles, très simples et compliquées. Il les rend très simples à écouter. Oui. Elles sont compliquées à jouer. Et c'est pas du tout de l'ostentatoire. Des pièces de Chopin un peu binaires à toute vitesse, non, c'est l'anti-lang-lang, en fait, d'une certaine manière. D'accord. Voilà, c'est l'intériorité, un contrôle du son Ok. fabuleux et puis une personnalité très belle, vraiment, humble, musical, au service de l'art. Voilà. Ok. Alors le programme, c'est vous-même qui l'avez élaboré? Oui, ça fait partie de mes fonctions, entre D'accord, autres. d'accord. Comment on se met en rapport avec justement ces musiciens, ces artistes pour les faire venir au Nancy Symphony? Vous disiez que ça avait pris beaucoup d'ampleur. Donc voilà, est-ce qu'ils ont été tout de suite charmés par cette occasion qui leur était proposée? Alors bon, déjà il y a une chose, c'est de bon, moi je suis pianiste concertiste moi-même, j'ai pas la carrière de Sokolov, hein, mais Oui. je bourlingue quand même dans pas mal, j'ai joué dans 40 pays, donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire c'est une question de contact personnel D'accord. et de contact à haut niveau. Alors bon, ça c'est une étape. Après il y a une autre étape qui est la réalité des agents. Donc les grands artistes ont des agents exigeants, ce qui est normal et nécessaire d'ailleurs, parce qu'il faut qu'ils négocient et qu'un certain nombre de paramètres, disons que l'exigence de jeu à très haut niveau, elle impose un certain nombre de paramètres que l'agent doit contrôler, l'artiste est déchargé de ça. Oui. Et donc là intervient la crédibilité du festival, la crédibilité des salles, la notoriété de l'organisation, toutes sortes d'éléments un peu impalpables. Et c'est un peu comme une sorte de mercato au football. Donc faut savoir qui est éligible à la venue d'un artiste de très haut niveau. Et donc c'est vrai que petit à petit, on a eu cette crédibilité avec très tôt avec des grands artistes français, puis après de manière plus internationale. Et maintenant, c'est vrai que ça pose plus de problème. C'est-à-dire que quand je contacte une agence ou un artiste, le présupposé de base, c'est oui. Et puis après, il faut évidemment se mettre d'accord sur l'argent, sur les dates, sur les voyages. Bon, si par exemple l'artiste passe son été en Extrême-Orient, il va pas revenir à Nancy, alors qu'il est à Séoul, entre Séoul et Bangkok. Bien entendu. Voilà, donc il y a aussi un facteur de hasard, mais bon, en tout cas pour ce qui est de la qualité de l'accueil, des qualités techniques. Qualité de la salle, on a des très très belles acoustiques dans la région en région Lorraine et à Nancy. Oui. Et puis bon, pour ce qui est de l'accueil, nous sommes quand même sur une grande ville avec une capacité hôtelière de qualité. Et puis tout ce qui est de la sensibilité à l'accueil technique aussi, c'est-à-dire comprendre qu'un artiste, il faut qu'il répète, il faut qu'il ait accès à la salle, il faut qu'il ait un technicien en permanence avec lui pour le réglage du piano, toutes sortes de paramètres qui ne sont pas des paramètres de l'organisation un peu du dimanche, Ah oui. où on appelle le loueur piano, il accorde le piano le matin en livrant, et puis après il s'en va. Donc tout ça sont des choses aussi qui se bâtissent avec l'expérience, sa propre expérience, et puis une équipe aussi qui est sensible à ce type de paramètres. Donc voilà, tout ça fait que maintenant ça fonctionne. Une grosse logistique, on voit bien. Alors, comme vous le disiez, hein, donc ça se passe dans plusieurs endroits de Nancy, c'est Nancyphonie. Pourquoi différents lieux? Ben, déjà, il n'y a pas que Nancy, hein, il y a d'autres villes. Oui. Séchamps, Villers-de-Nancy, Candœuvre-lès-Nancy. Oui. Alors pourquoi d'autres villes? Parce que à chaque fois qu'on découvre un lieu et qu'on l'habite, on découvre des équipes locales. Ça crée forcément des ambiances différentes, puisque l'adjoint à la culture, les équipes techniques, ainsi de suite, tout ça, chacun a sa personnalité. Le patrimoine en lui-même aussi a une personnalité. Oui. Est-ce qu'on le fait découvrir ce patrimoine du coup par la même occasion? Oui, bah, c'est ce que j'appelle le patrimoine en mouvement. Oui. Bon, si vous avez une belle église, vous allez la faire visiter une fois, les gens ne reviendront pas. Si vous avez une belle église qui est habitée par un festival intéressant, les gens auront du plaisir à revenir dans le patrimoine parce que vous aurez un concert d'orgue, un concert de clavecin, un concert de piano. Voilà, donc ça apporte évidemment une dimension très importante, et d'autant plus pour des régions comme les nôtres qui sont en construction de l'attractivité touristique, notamment par rapport au potentiel. Bon, je ne parle pas que de Nancy, mais il y a plein d'autres villes qui sont autour et qui ont un potentiel formidable qui est encore sous-exploité par rapport à, on va dire, la région PACA ou de la Dordogne ou le Pays Basque. Donc quand on voit la splendeur du centre-ville de Nancy, on se dit que finalement ça vaut très bien Aix-en-Provence ou Avignon ou Arles. Il n'y a pas tellement de différence. Après, c'est sûr qu'on n'est pas encore sur des flux comparables. Et nous proposons, nous insérons en fait dans le travail qui est fait au niveau des offices de tourisme et à tout niveau pour justement développer l'attractivité de ces lieux formidables. Donc voilà, bon, c'est ça. Et puis bon, après aussi, il y a une adéquation entre le répertoire et le lieu. On peut pas mettre tout Salle Poirel, même si Salle Poirel tout sonne, mais enfin bon, il y a des questions aussi, c'est 850 places, hein, donc oui. il faut les remplir. Et pareil au grand salon de l'hôtel de ville de Nancy, on peut pas tout mettre. Dans la ravissante petite église de Séchamps, on a aussi des questions de dimension de scène, d'acoustique. Voilà, donc tout ça, je suis obligé de combiner un peu tous les paramètres pour trouver l'écran qui convient à la musique et réciproquement. Voilà un peu le principe. D'accord, bien sûr. Alors, les artistes, eh bien, on l'a compris, hein, sont internationaux, hein, il y en a vraiment qui viennent un petit peu de partout. Est-ce que le public aussi, il n'est pas exclusivement nancéen, j'imagine? Est-ce que le public vient aussi d'ailleurs? On peut faire un petit retour sur le concert qui a eu lieu le 1er juillet. Alors, il y a donc un partage entre un public, on va dire, régional, local, et puis après des publics qui viennent spécialement. Il faut dire que la force de frappe de communication d'un festival comme le nôtre, elle n'est pas énorme. C'est-à-dire que j'ai pas des millions d'euros à dispenser dans la communication. Je peux faire des spots télé, mettre des ballons dirigeables dans le ciel en Allemagne. Donc voilà, donc je m'appuie sur ce que les professionnels du secteur peuvent apporter. Et de toute façon, je pense qu'un festival de musique, il s'inscrit aussi dans le patrimoine des musées, dans les expositions qui existent, dans ce qui peut être créé, et puis l'attractivité aussi, la restauration, l'accueil, les chambres d'hôtes, tout un dispositif beaucoup plus large. Donc petit à petit, la clientèle internationale se développe. Elle est encore insuffisante par rapport à ce qu'on espérerait. Mmh. Bon, il faut dire aussi que la plupart des concerts sont quand même avec des jauges assez restreintes. D'accord. Par exemple, les grands salons de l'hôtel de ville, on ne peut pas mettre plus de 300 places, personnes. Donc on ne peut pas non plus, on n'est pas sur les zéniths, quoi. Quand on arrive à 250 spectateurs, 260 spectateurs, on est quasiment plein. Et donc on est arrivé au maximum de la jauge possible. Alors, c'est sûr que si je compare par exemple avec les rendez-vous de Stan, le son et lumière sur la place, on pourra toujours dire que en une soirée, on peut avoir 6000 spectateurs un samedi soir ou 7000. Ce sont pas des choses qu'on fait nous, mais par contre, quand on est sur le kiosque de la pépinière, avec 600 spectateurs en plein air, quand on est Salle Poirel avec 850 ou 800, on est nous sur des jauges déjà très importantes. Et multiplié par le nombre d'événements, ça fait beaucoup de monde. On est sur 12 000 spectateurs. Et oui. En tout. Donc c'est pas ridicule. Et en revanche, bon, c'est sûr que, disons, le savoir-faire et la qualité est là. Après, s'il faut aller à la chasse aux touristes, ben c'est une démarche globale. Je pense pas que, en tout cas, nous, on n'a pas les capacités de communication pour aller chercher les gens dans le fond de la Roue ou au fond des Pays-Bas. Donc, on a pour l'instant une notoriété de spécialistes à l'étranger. D'accord. On a quelques vecteurs qui sont des vecteurs corrects de communication et on peut dire que plein de choses restent à faire sur ce plan. Thank you. Bon, les Nancy Phonies, on l'a bien compris, c'est 36 concerts du 29 juin au 1er septembre eh bien, 2019 avec vraiment des grands noms de la musique. Est-ce qu'on peut faire un petit tour sur le programme? Donc, Grigory Sokolov, c'est samedi 6 juillet, hein, c'est ce samedi à 17h à la salle Poirel à Nancy. Alors, on a leur exquise aussi, hein, donc les concerts gratuits qui sont au kiosque. Oui. Alors là, qui mettent en scène des artistes plus jeunes, puisque l'objectif aussi du festival est de donner une expérience à des futurs stars. Ça, c'est incroyable. Donc, on aura Charles Esser, qui est un jeune qui vient de rentrer au Conservatoire National Supérieur de Musique, qui est formidable, qui est déjà élève au Conservatoire Supérieur en Jazz. Donc, il va faire un programme. Donc, c'est tout à l'heure à 17h. Et puis, nous aurons une jeune femme absolument formidable qui s'appelle Hansol No, qui est coréenne, qui a vraiment eu beaucoup de succès au concours international de piano de l'ANI. Elle sera là dimanche à 17h. Après, on aura le Quatuor Talich, ça c'est le 10 juillet, salle Poirel, donc là dans les concerts d'artistes très confirmés, d'accord, avec un programme absolument génial, La jeune fille et la mort de Schubert, et le Quatuor de ma vie de Smetana. Donc là, on est en plein pré-romantisme et romantisme, d'accord, avec des œuvres que tout le monde connaît, enfin tout le monde a entendu un bout du... Même les non-spécialistes ont entendu un bout du Quatuor La jeune fille et la mort. D'accord. Et le Quatuor Talich, c'est une légende. Donc c'est la deuxième génération des Talich, Quatuor qui a 70 ans d'existence, ouais, et qui a fait les plus beaux enregistrements de toutes les œuvres, et surtout qui a une particularité des cordes tchèques. C'est vraiment une manière de jouer des cordes, des instruments à cordes particulières. C'est très généreux, très... comment dire, profond, avec un rapport à l'émotion directe, enfin il y a un rapport naturel à la musique, c'est pas du tout sophistiqué, ça c'est quelque chose de très vivant et naturel. Après, donc le 15 juillet, lundi 15 juillet, nous aurons le grand Arkady Volodos, magnifique. Après, bon bah on a aussi de la musique de chambre, hein, donc ce qu'on appelle musique de chambre, c'est en général plusieurs musiciens d'un type différent qui jouent ensemble. Donc le trio Sota le 17 juillet, ça sera au Grand Salon de l'Hôtel Ville, ce sera le premier concert Grand Salon, d'accord, de Nancy, avec donc trois jeunes musiciens allemands absolument formidables, menés par la formidable et ravissante Sonia Ashkar. Et là, ils ont là encore choisi un programme magnifique avec un trio de Haydn, qui est un petit bijou qui va très vite, enfin quelque chose... Une sorte de, vous savez, ça me fait penser aux bonbons qui explosent dans la bouche, là, je commence ça, les pops. Enfin, je parle pas de la drogue, hein, je parle des bonbons. Oui, oui, oui. Voilà, et donc, après le trio Doomki de Dvorak, qui est une merveille, très facile à écouter, une déploration formidable. Et puis le trio de Smetana, qui vaut bien le quatuor que joueront les Talich, d'accord, qui est une très très belle œuvre aussi. Puis après, le programme se développe, donc il y a une densification, hein, des dates. On est le 19 juillet avec les frères Stenzel qui viennent d'Allemagne et qui sont spécialistes de Schubert à quatre mains, donc ils vont jouer du Schubert. D'accord. C'est ça qu'ils veulent jouer. Et ils le font très bien. Donc ça, c'est le 19 juillet à 20h. Un beau programme dans lequel je jouerai peut-être quelques pièces. Ah oui? Qui est le samedi 20 juillet, qui est autour du thème de la mélancolie. D'accord. Où il y aura un plateau avec une dizaine d'artistes. Et où, donc, le côté ludique, c'était de trouver ce qui pouvait faire référence à la mélancolie chez les différents compositeurs. Avec des pièces, en général, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus gai, mais bon. La vie n'est pas toujours très gaie non plus, alors voilà. Pas pour faire un clin d'œil à la fameuse nuit de la mélancolie qui se passe à Paris, mais c'est un peu la même idée. Donc, la mélancolie qui est de toute façon quelque chose d'assez particulier, une très belle émission sur France Inter d'ailleurs. Oui. Et qui parle de ça, cet état un peu qui finalement très propice à la création artistique, où on n'est ni totalement triste, ni totalement désespéré, mais on est quand même sur une espèce d'état un peu de repli sur soi et de réflexion intérieure. Donc ça sera le samedi 20 juillet. Voilà, puis après on continue avec un beau programme Mozart le 22 juillet qui sera donné par Andrea Padova, un magnifique pianiste italien, qui a eu un grand prix Bach il y a maintenant ça presque 30 ans, qui avait joué énormément de Bach, qui était déjà venu au festival pour faire un récital consacré à Bach et à ses fils, grands compositeurs eux-mêmes, hein, Carl Philipp Emanuel, Wilhelm Friedrich, et ainsi de suite. Et là, il est parti dans un projet, je trouve passionnant, d'intégrale des sonates de Mozart et des variations. Donc, il va nous donner l'équivalent d'un des disques qu'il est en train d'enregistrer. Et c'est quelqu'un qui a une vision du piano que j'aime beaucoup, très très honnête, très très lisible, et avec beaucoup d'émotion, mais très pur, disons. D'accord. Avec cette élégance italienne qu'ont les Italiens cultivés, et qui est assez inégalable. Et puis voilà, si on continue, alors là, encore un autre genre, le 23 juillet, donc je serai sur scène avec Julia Scotariou, qui est une chanteuse qui a une voix magnifique, et qui a une voix tout à fait particulière, c'est une voix de comédie musicale américaine. Ah oui. Un peu dans l'esprit de John Baez ou Barbara Streisand, ce type d'actrice et chanteuse formidable. Et ça, c'est un répertoire, donc ça s'appelle Broadway Night. Moi, je me suis beaucoup amusé à faire ça, oui, faire des arrangements pour piano de ces grands orchestres hollywoodiens. Et donc, on passe, alors ça va des comédies un peu anciennes comme Hello Dolly, à des films plus récents comme La Famille Addams. D'accord. Enfin, on s'amuse beaucoup. Et Julia a 22 ans, elle a une voix absolument incroyable, à la fois charnue, puissante, et il faut une voix qui est entre le classique et le jazz, parce que si on est trop jazz, c'est pas le style, si on est trop classique, évidemment, ça marche pas non plus. Donc il faut une espèce de groove un peu indéfinissable, quelque chose d'émouvant et de charnu, et sans tomber non plus dans la voix, la Diana Krall, ce type de choses. Donc ça, c'est quand même pas si simple à trouver, et elle a vraiment ça, naturellement. D'accord. Avec toutes les qualités de justesse, ainsi de suite. Donc ça sera assez... Donc il y aura des extraits de Cabaret, de Femme, des Misérables, de Yentl, fameux opéra, comédie musicale de Michel Legrand, qui a fait la musique, Le Fantôme de l'Opéra, Grise, enfin bon, ça fait préludique. Et puis le 25, on va rester un peu dans cet esprit un peu jazzy et en tout cas Gavroche, avec un programme qui s'appelle Swing, avec deux artistes italiens, Raffaele Bertolini à la clarinette et Antonella De Vinco au piano. Et eux qui sont allés chercher dans le répertoire, entre guillemets classique, des œuvres qui avaient des connotations soit de tango, soit de jazz, soit de musique populaire, soit de musique improvisée. Alors on tombe sur des auteurs tels que Nino Rota, Francis Poulenc, Piazzolla, et voilà. Donc ça va être très très ludique. Et au Grand Salon de l'Hôtel de Ville, qui est le jeudi à 20h. Voilà. On peut également eh bien retrouver toutes les informations sur la suite des programmes sur le site des Nansiphonies, hein, www.nansiphonies.com, où voilà, vous retrouverez toute la suite des programmes, toutes les informations et les détails de tout ce que vous pourrez retrouver pendant toute cette durée des Nansiphonies. Alors il y avait aussi un temps fort, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est l'heure exquise, hein, qui se passe au kiosque de la Pépinière, et ce sont des concerts gratuits où se mêleront futures stars du classique, je cite, et avec certains concertistes internationaux qui viendront parrainer l'élite de demain, hein, je cite encore. Ça doit être vraiment d'une grande richesse, ces concerts. Oui, alors c'est un succès fou déjà, parce qu'on a 400 à 600 personnes à chaque fois. D'accord. Et même quand le temps est un peu maussade, alors quand vraiment il pleut, c'est un repli au conservatoire qui est à une dizaine de minutes à pied. D'accord. Et quand il fait beau, en tout cas qu'on peut faire dérouler le concert, le public adore cet endroit. Bon, faut dire qu'il est magnifique. Le kiosque est déjà un beau bâtiment Art Nouveau, un peu dans l'esprit des bouches de métro parisiennes, hein, de Guimard. Et puis après, on a ces magnifiques marronniers qui entourent le kiosque, hein, qui créent ce qu'on appelle le rond-point Mozart. Ça s'invente pas. Et puis, on a la collaboration des oiseaux locaux qui se pèsent pendant les concerts, puisqu'il y a toute une énorme famille de corneilles qui est présente dans les arbres et qui, quand elles donnent de la voix, vous pouvez toujours faire de la musique, ça ne changera rien. Et il y a aussi des perruches, oui, parce que je crois que ça a été, quand il y a eu la grande tempête, la volière avait, avait eu des dégâts et des volatiles se sont échappés. Et certains sont morts de leur belle mort, et d'autres, comme les perruches, qui sont très adaptatifs, se sont développés, et colonisent petit à petit les Nancy et les alentours, puisqu'on en a même retrouvé dans les Vosges. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. J'ai un ami qui a une maison de famille dans les Vosges qui a retrouvé une perruche. Donc, j'avais dû essayer de retrouver le chemin de l'Afrique, je sais pas, quelque chose comme ça. Alors, l'endroit est adapté, il y a une bonne acoustique, et puis c'est très sympathique, parce que là, on amène vraiment la musique aux gens. Oui. On n'est même pas dans un spectacle gratuit, dans un lieu identifié. Oui. On fait pas venir à l'opéra, on fait pas venir, au grand salon. Là, on amène la musique, et donc, on voit bien ceux qui n'ont pas l'habitude. Ils s'approchent petit à petit, ils disent, je vais rester 10 secondes, puis des fois, ils restent tout le concert, des fois, ils restent 10 minutes. Vraiment... Je pense que c'est aussi comme ça qu'on amène d'autres publics à la musique classique. Et oui, tout à fait, c'est un accès à la culture un petit peu pour tous, une sensibilisation aussi à un style musical que peut-être certains n'ont encore pas approché de plus près, et ça c'est vraiment chouette. Oui, alors bon, la musique classique elle est partout, elle est dans les films, elle est dans la pub, elle est dans les magasins, elle est dans les attentes téléphoniques. Donc, si on prend certains airs très connus, on aura un taux de reconnaissance très élevé des gens. Ils diront oui, je connais. Après, comment ça se fait, comment ça se fabrique, comment ça se... Alors, un piano, un instrument de musique, certains n'ont jamais vu, mais enfin bon, ça, quand même, on voit, notamment grâce à la télévision. Mais après, comment ça se joue, comment ça sonne, comment en temps réel l'artiste se comporte face à la scène et à la... Ça, c'est vraiment ce qu'apportent les concerts, que ce soit au Parc Pouille, donc à Vendeuvre, ou au Parc de la Pépinière, au kiosque. On a des personnes qui découvrent qu'avec ses deux mains, on arrive à faire un univers sonore incroyable sur du piano, ou à quatre, on arrive à jouer ensemble, c'est très visuel. C'est vrai que le fait que ce soit des jeunes, et souvent des très jeunes, est aussi très sympathique, puisqu'on voit que c'est quelque chose qui s'apprend, qui est beau, naturellement beau, il n'y a pas besoin du tout d'être éduqué pour le voir, et aussi esthétique, très élégant, il y a quelque chose de séduisant. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a autant de succès. Bah, tout à fait. Alors si on veut assister à ces divers concerts qui vous sont proposés au sein des Nancyphonies, on achète ses billets à l'avance, on réserve sa place? Alors, il y a deux manières. La première manière, c'est donc de se procurer les billets en avance. Alors pour ça, on a notre site, hein, www.nancyphonies.com, hein, donc Nancy comme la ville, phonies.com. Et là, vous avez un site de billetterie très bien fait qui vous renvoie sur un plan. Vous pouvez choisir vos places, vous imprimez vous-même vos billets et vous arrivez 5 minutes avant le début du concert et tout va bien. Ou même avant. Et puis après, il y a donc l'Office de tourisme métropolitain du Grand Nancy, qui est place Stanislas, qui vend aussi nos places, avec des personnes qui connaissent très bien le festival, donc qui peuvent renseigner, et pareil, éditer les places. Et puis aussi, il y a la possibilité de venir sur place, donc on ouvre les caisses 45 minutes avant chaque concert. D'accord. Bon, je précise qu'il y a quand même 16 concerts gratuits sur les 36. Oui. Et que, bon, sauf cas très particulier, il y a certaines salles combles, mais c'est quand même pas tout le temps le cas, donc même si on se décide au dernier moment, on trouvera une solution pour faire rentrer les amateurs d'art. Voilà. Et puis bon, après, les amateurs d'art, il n'y a pas que ça, hein. Je sais pas si vous avez vu que je fais venir en clôture de festival le 1er septembre un certain Cédric Villani. Oui. Alors, je ne fais pas de politique, hein, c'est pas la question, mais c'est le mathématicien que je fais venir. D'accord. Médaille Fields, donc l'un des plus grands mathématiciens qu'on ait eu en France depuis deux siècles. Oui. On l'oublie, hein, force de le voir à la télévision avec son araignée. en tout cas, on peut l'oublier, mais c'était un très très très grand mathématicien. Et donc là, je le fais venir parce qu'il a écrit plusieurs ouvrages sur la relation entre la création artistique et la pensée mathématique, en fait, la manière de traiter un problème complexe et profond. D'accord. Et donc, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Et donc, il sera en binôme avec Carole Beffa, qui est un bon ami, un compositeur de musique très prisé. Et surtout, Carole Beffa a la particularité d'avoir fait l'école normale supérieure en mathématiques. D'accord. Donc, ils sont aussi sur la même longueur d'onde scientifiquement, même si il n'y a pas une médaille Fields de son côté. Mais enfin, bon, voilà. Donc, les deux vont parler. Carole Beffa fera des. Et puis le matin, Carole Beffa accompagnera un film muet de Neumeier. Ça, c'est vraiment pour les enfants, où là, on fait un tarif tout à fait bas. Bon, nos tarifs sont globalement extrêmement bas, hein. Oui. Ça va donc de 10 à 30 euros. 10 € pour le tarif réduit, 30 € pour la première catégorie, salle pour elle. D'accord. Pour prendre un point de comparaison, tu as des Champs-Élysées, le Volodos et Sokolov, c'est 135 euros la place. Ah Donc on n'est oui. pas du tout dans le même. Et je ne suis pas sûr que l'acoustique de la salle Poiret soit pas meilleure que celle du théâtre des Champs-Élysées non Ah plus. d'accord. Oui. Voilà, donc un grand itinéraire, j'espère Eh que. oui, en effet. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions et de nous en avoir dit plus sur tout le programme de ce festival. Donc on vous rappelle que vous pourrez aller regarder toutes les informations, les détails et pourquoi pas acheter vos places directement sur le site internet que nous mettrons en lien avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui qui sera présente sur notre page Facebook et notre site internet. Merci beaucoup Hugues Leclerc d'avoir pris votre temps pour répondre à quelques-unes de mes questions et on vous souhaite un très très bon festival surtout. Ben, merci beaucoup, merci à vous, et puis de faire comme ça l'écho de notre manifestation qui nous tient à cœur. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Give neck, give neck, give neck.